Quan la música és bona, sona en aquesta sintonia. I per això avui comencem Hola La Music amb aquesta cançó d'Amel Benny Soprano, Quan la música és bon, des del seu àlbum Instinct de 2014. Salutacions de Rafael Corbí. Benvinguts a Hola La Music. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rodé dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me casse, voyage toujours en pôle. Des champs de coton dans ma mémoire. Trois notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique est bonne, quand la musique est sale, sale, sale, sale, elle ne fiche pas. Quand la musique est bonne, quand la musique est bonne, quand la musique est sale, sale, sale, sale, elle vit de mes peurs. J'ai plus d'amour, j'ai pas le temps. J'ai plus d'humour, j'ai plus d'où vient le vent. J'ai plus qu'un clou, une étincelle. Quan la música és bona, tenim un programa com el d'avui que espero que us agradi. Avui anirem a escoltar un artista que ja ens ha acompanyat en diversos programes, amb àlbums diferents, però avui anirem cap al seu àlbum de 2018, un àlbum que es diu Folk, el setè àlbum d'estudi de la cantant bretona francesa Nouwenn Leroy, sortit el 2 de novembre de 2018. Es tracta d'un àlbum de versions de cançons francòfones o adaptades al francès, com el cas de Suzanne, de Leonard Cohen, amb una datació de Graham Allwright. Cançons que parteixen dels anys 70. Són enregistrades amb unes condicions com si fos en directe als Estudis Ferber de París. L'àlbum ha venut moltíssimes còpies, gairebé 100.000, després del seu primer any de publicació. Pop, varietat francesa, folk, amb la realització de Clément Ducol, ens arriba aquest àlbum. Doncs bé, ja que parlàvem de Suzanne, per què no comencem amb aquest tema? Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle. C'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle elle, tu sers du thé au jasmin. Et quand tu voudrais lui dire, tu n'as pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre, veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire. Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'il voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les algues, il y a des rêves, des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça toujours. Et Suzanne tient le miroir. Rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés, une blessure étrange dans ton cœur. M'encanta la seva veu. M'encanta la seva presència i des del primer dia que vaig escoltar la seva música no he pogut deixar d'escoltar-la. Aquesta cantant nascuda a Saint-Renan a Finisterre el 28 de setembre de 1982, cantant i compositor, la revelació de la qual va ser amb el reality show molt popular de la televisió francesa Star Academy el 2002 i molt coneguda per les seves cançons Cassé i No When Oh Wo. Canta en bretó, canta en anglès, canta en francès, com podem escoltar, i amb aquest àlbum, aquest folk, versió en aquests temes dels anys 70, com per exemple una cançó que té el títol en anglès, un senzill editat per Pache Marconi el 1975, un senzill de Nicolas Peyrac que portava el nom de So Far Away From LA, una cançó que ens aboca les llocs d'aquelles bandes, el Golden Gate, la penitenciaria d'Alcatraz, Beverly Hills, Hollywood, i els personatges hi surten: Karen Sherman, Greta Garbo, Humphrey Bogart, Sharon Tate, emblemàtiques de Los Angeles i també de San Francisco. So Far Away From LA, en la Nolven, des d'aquest àlbum del 2018, aquest folk. Quelques lueurs d'aéroport, étrange fille aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore ces

preciositat escoltar aquestes cançons. Acabem en una cançó que de fet és una peça tradicional d'aquest món, amb arranjaments de Gabriel Yacou, Hudson de Courson, Laurent Vercambre i Marie Sauvet i Daniel Lanois. Es tracta de Mayons la Roses. La Rosé? Sí. Aquesta cançó ens la porta també des d'aquest àlbum, des d'aquest folk que avui us hem presentat, del 2 de novembre de 2018, la Nolwenn Leroy. Bien fumé. Amb Rafael Corbí. Canviant de música de nou en directe, com també venim repassant en diversos dels nostres darrers espais, Les Enfors, amb aquest àlbum que ens parlava d'una nit a l'òpera. Si no resta plus qu'une semaine à vivre, serais-tu prêt à me suivre? S'endormir ensemble à New York. S'il ne restait plus qu'une semaine à vivre, serais-tu prêt à me suivre? Là-bas, long et dark. Oh. Que la ville et nous. Dans la brume de Chinatown, je saurais te dire les mots tout. Et s'il ne nous restait plus qu'un avion à prendre, saurais-tu me comprendre? Cette dernière semaine à New York. Et s'il ne restait plus qu'un avion à prendre, saurais-tu me défendre? Il n'y aura plus que des hôtels et nous. Oh. Et dormir dans tes bras serait pour moi le désir le plus fou. Et si ne nous restait plus qu'une semaine à vivre, serais-tu prêt à me suivre pour s'endormir ensemble à New York? Et si ne nous restait plus qu'une semaine à vivre, serais-tu prêt à me suivre là-bas, long et dark, long et dark, long et dark. Aquesta Soré que escoltem pertany amb una actuació al segon espectacle donat el 9 de gener de 1992 a l'Òpera Garnier de París, retransmès el 20 de gener a través de TF1, el canal francès, i que va sortir en vídeo, en CD i en caset el 21 d'octubre del 1992. Bé, amb els Enfoirés, amb aquesta actuació, hi havia gent que hi participava per primera vegada, com Francis Cabrel, com Carol Fredericks, com Patricia Cass, Jean-Jacques Milton, Reno, Muriel Rodin, Patrick Sebastien, Smain i Eric Vuan, i d'altres, com Jean-Jacques Goldman o Michel Jones, que ja hi havien participat anteriorment. Bé, d'aquest, jo he triat tres cançons. Òbviament, n'hi poden haver-hi moltes més i que de ben segur que us agradaria. La veu que escoltàveu amb aquesta cançó de Didier Barbelieven i François Brahim era de Patricia Cass, que és una noia que a mi m'entusiasma també en la seva música. La segona que he triat és Pas Toi. Aquesta cançó amb aquest disc la canta Fredericks, Goldman, Jones. La canten, millor dit, ells. Jusqu'à saigner tous les portes s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller, briller des ombres et en marcher. J'ai beau me j'apprenne, je ne sais. Són maquíssimes aquestes cançons, veritat. Doncs aquesta és molt tendra, molt especial. Aquesta cançó amb ells, des d'aquesta actuació a l'òpera, és composta per en Francis Cabrel, la interpreta ell, i és Petite Marie, una cançó dedicada a la Marie Soleil Torras, que va néixer el 1970 i va morir amb 27 anys d'edat. L'escoltem, doncs. Parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois, de leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile de ton toit. Le vent de la nuit froide me renvoie à la balade que j'écris pour toi. Tu ris, tu dis que l'île te vague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi, mes poches sont vides et mes yeux me pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois, de leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Mais je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois, de leur amour plus bleu que le ciel autour. El meu problema és que no me'n sé estar i de vegades prepares un petit guió però te'n vas i deixes altres coses perquè, home, quan un ha escoltat 3 cançons d'aquest disc i comença a mirar el que hi ha, diu, doncs he apuntat que escoltarien 3 cançons i n'acabem escoltant 5 i així anem. Hola, la música amb Rafael Corbí, la música en francès, un altre dels grans protagonistes d'aquest àlbum, d'aquesta actuació, que segons ens diuen va reunir gairebé 8 milions, més de 8 milions de persones, amb un 38,7% de mercat en aquell moment, amb aquella retransmissió televisiva de l'espectacle. 8.051.400 persones telespectadors que el van veure en directe quan es va retransmetre. Doncs bé, com dèiem, un dels personatges també presents amb 2 cançons, no totes les cançons de l'espectacle varen sortir després amb el CD, sí amb el vídeo, n'hi havia 21 i algunes com el GT Don, el Tango Arepo, o per exemple també un 2-3, la cançó, o d'altres que sortien, com les Fulles Mortes, també una gran cançó d'en Jacques Prévert, no varen sortir en aquell cas. Sí que ho va fer aquesta cançó que ens canta i que també havia compost en Patrick Sébastien. Autour de toi, y'a que des murs gris béton. De temps en temps s'affiche la tête d'un con qui voudrait tu pour son nom. Tout au fou et ta raison. Et ta l'idée des tas d'idoles toutes faites ont télécommandé ton cœur, ta tête. Je crois que t'as compris comment tourne la planète. Il faut paraître ou ne pas être. Va pas te flinguer, bonhomme, bonhomme. Ni maintenant, ni en. Drogue, c'est comme bonhomme. J'te jure que demain il fera beau temps. Bien sûr, tu peux pas me croire, bonhomme. Plutôt que toi. Moi j'ai la mort, la mémoire, mais mon bonhomme, toujours là. Jamais baisser les bras. Jamais partir là-bas. Bosser mais le boulot veut pas de toi. Y'a la vie qu'on veut, y'a la vie qu'on a. En tout cas tu veux plus jamais perdre cette vie à la gagner. Et puis y'a l'argent qui va à l'argent. Les belles au beau, la pluie au mauvais temps. Panne de copains d'alcool qui fuit. Et toi tu voudrais fuir aussi. Mais va pas te flinguer, bonhomme, bonhomme. Ni maman, drogue ou fin. Je te jure que pas beau temps. Bien sûr tu peux pas me croire, bonhomme. Plus très tout ça. Moi j'ai de la main plein noir. Mais moi bonhomme, je suis toujours là, toujours là. Bien sûr tu peux croire, plutôt creuser ça. Moi j'ai de la main plein noir. Moi toi là, je suis toujours là, toujours là. Ce qui serait bien, la chanson vous connaissez pas. Et comme je vais être mangeur, j'aimerais bien que vous la chantiez avec moi. Ça fait comme ça. Jamais laisser les bras à partir là-bas. Et là, les autres, tant que toi. On va essayer, on verra bien. Faisons Jacques. Hein? Allez. Jamais laisser les bras. Jamais partir là-bas. Aimer plus fort que ça. Les autres autant que moi. Jamais baisser. Jamais partir là-bas. Et plus fort que ça. Les autres autant que toi. Jamais laisser tes bras. Jamais partir là-bas. Acabarem, doncs, aquest repàs i ho farem amb una cançó que ens interpreten gairebé tots conjuntament. Frederic Goldman Jones, Patricia Cass, Renaud, Maurice Robin, Patrick Sébastien i Smine amb aquesta cançó que escoltarem original de George Brassens. Elle est à toi, cette chanson, pas rien qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du fécan, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon drame, il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi, Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qui

va debutar l'any 2012, precisament amb una cançó que també escoltarem a través del nostre programa. Diuen que molt, segons quins crítics del món del que, entre ells, doncs, un que era un dels fans en temps enrere, biògraf de Ginsburg, en Gilles Vaglant, que n'era fan, aquest crític de rock, va dir, doncs, que aquest paio que estem escoltant té futur. El 2012 ho deia. Benjamin Vagon, aquest era el seu nom civil, Ben Vagó, que el seu nom, que va debutar amb la Call Girl, el seu primer àlbum enregistrat, i que ens arribava un àlbum d'11 temes, del qual precisament ara escoltarem aquesta cançó, que es deia la Call Girl. Basat el substrat, deien que hi trobàvem molta música provinent de l'època dels Beatles, i sobretot dels Beatles mateix. Després escoltarem també això, perquè ja estem arribant gairebé fins al final del nostre programa en el dia d'avui. Je me suis trouvé une call girl. Elle prétend que je suis cool. Et les gamins, je l'entraîne sous la douche. Sa langue dans ma bouche, ma langue dans sa bouche. Et je perds la raison dans l'évacuation. Et je me suis trouvé une call. On s'est installé en ville et les gamins, elles m'entraînent dans les nightclubs. Sa langue dans ma bouche, ma langue dans sa bouche, et je perds la raison dans d'autres directions. Elle est folle. La cançó que us comentàvem i que ara ens acompanya també a través del nostre espai, Mai seré un Beatle. Escoltem a Ben Varrock. Awesome. Ja amb el punt i final amb aquest espai d'aquesta setmana de la La Music amb el nostre programa Seno, amb aquesta companyia de Dan Park que ens acompanya amb els darrers instants amb una darrera cançó. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins ben aviat aquí amb el vostre espai. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Exactitude de son attitude m'oriente vers le ciel. Premier abord, je vois son corps, ma chair étendre, sa chair étendre. Vivre nuit gravement à la santé, les crises cardiaques sont à éviter. Premier abord, avec la mort, j'ai mordu la bordure d'un pré. Toujours être élégant, le discours séduisant, il faut tirer les femmes d'affaires. Vers trop tard, je lui promène que les poètes sont de fins gourmets. Gourmets en or, voiture de sport, Portugal en escale vers l'or. Je lui compose un très joli bouquet à l'intérieur duquel j'ai glissé. Viens mon amour, on va dehors, hors de question de m'échapper.